chose avant de commencer. C'est un TD reconnu, fait par un rééducateur. D'accord, c'est pas un TD de rééducation. Il faut bien éclaircir les choses. Alors, normalement, vous avez un module, qui est de 9 semaines. Donc, dans les normes, c'est 3 semaines. Il faut que vous dites 3 semaines de rééducation et 3 semaines de maman. Mais vous, vous êtes en train de faire 6 semaines de en un ou trois semaines de rééducation. Okay. Mais on est en train de travailler avec les orthopédies. Okay. Donc, vous pouvez faire des études d'orthopédie, mais qui est fait par un rééducateur. Alors, le TD d'aujourd'hui, c'est de la conduite à tenir devant un chronique traumatique. Ok. Alors, si je dis, donc, nous allons le faire ensemble. Alors, si je dis conduite à tenir devant un chronique traumatisé, ça ne veut pas dire conduite à tenir thérapeutique. Ce n'est pas vrai. Un polytraumatisé, c'est plusieurs lésions, c'est plusieurs spécialités, donc on ne va pas en finir. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est juste la stratégie de prise en charge. Okay? Qu'est-ce qu'on doit faire devant un polytraumatisé? Comment doit-on examiner un polytraumatisé afin d'aboutir au final à une prise en charge qui va préserver son pronostic vital? D'accord? Alors, avant d'entrer dans les détails, on va tout d'abord, bien sûr, définir qu'est-ce qu'un polytraumatisé. C'est ce que j'ai dit. Alors, c'est le TD de rééducation. Vous êtes de quel groupe? 12. 12? 12? Oui. Ok. Voilà. Alors, qui peut nous donner la définition d'un polytraumatisé? C'est simple, la définition est dans son nom. Personne précise. Tu es sûr que c'est une personne? Un blessé. Pas forcément. Ça ne change pas forcément. Une lésion vitale. Très bien. C'est ça le mot-clé. Alors, le polytraumatisé, c'est un blessé grave qui est victime de plusieurs lésions, donc au moins une met en jeu le pronostic vital. Ok? Donc au moins une, elle peut mettre en jeu le pronostic vital. C'est ça la définition du polytraumatisme. Alors, concernant sa prise en charge, elle va passer par deux étapes principales. Quelles sont ces deux étapes? Qui peut me dire quelles sont ces deux étapes? Alors, il faut essayer d'imaginer. Où est-ce qu'on trouve les polytraumatisés? Des accidents. Accident de la voie publique. Accident. Ce qu'on appelle sur le lieu de l'accident. Dans. Donc, il y a une prise en charge sur le lieu de l'accident et une autre au niveau du service d'urgence spécialisé. C'est ça les deux étapes. Nous allons les voir, donc, une par une. Alors, commençons par le commencement. La prise en charge du polytraumatisé sur le lieu de l'accident. Objectif de l'examen. l'accident. L'examen neurologique. Non, objectif. Qu'est-ce qui est grave? Donc, pronostic vital, va bien. Il est minuit, l'argent. Objectif de la prise en charge. Donc, l'objectif sur le lieu d'accident, c'est premièrement préserver le pronostic vital. Deuxièmement, c'est détecter une éventuelle ou un éventuel trauma du rachis. Pourquoi trauma? Pourquoi on insiste sur le trauma du rachis? C'est le TD de récupération. Alors, pourquoi on insiste sur le trauma du rachis? Très bien. Vu les complications, il peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel et même vital. Ok? Une lésion, un trauma du rachis, une lésion du rachis qui au début peut être incomplète et réversible, si elle n'est pas prise en charge correctement, elle va devenir irréversible et va mettre en jeu le pronostic fonctionnel du blessé. C'est pour ça qu'il est important, parmi les points clés de la prise en charge du blessé pour l'informaliser sur le lieu de l'accident, c'est de détecter le trauma du rachis. D'accord? Donc, vous faites le module de l'appareil locomoteur, on va se limiter à l'appareil de locomoteur. Hein? On ne va pas voir les lésions, les autres lésions. Ok? C'est le rachis et les membres. Ok? Bonjour, alors, le troisième objectif, bien sûr, comme l'a dit votre collègue, c'est l'immobilisation. Très bien. Donc, fonction vitale. Comment va-t-on préserver cette fonction vitale? Lorsqu'il y a une hémorragie extériorisée, bien sûr, on va la juguler. D'accord? Lorsqu'il y a un état de choc cardio-respiratoire, on va la juguler. Donc, ça, c'est l'urgence. Ensuite, on passe à l'examen pour détecter un éventuel trauma du rachis. Ensuite, on transporte donc pour les traumatiser vers le centre spécialisé. Et de préférence, il faut qu'il y ait une équipe médicalisée bien expérimentée. D'accord? Et il faut de préférence, il peut prendre directement le polytraumatisé vers un centre qui est spécialisé pour ne pas perdre de temps. Ok? Donc, bien sûr, en l'immobilisant. Ok? Maintenant, j'ai jugulé mes urgences. Je vais détecter, comment vais-je détecter ce trauma du rachis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? On va diviser ça en deux cas. Le premier cas, c'est que mon polytraumatisé, il est conscient. Et là, c'est facile. Ok? Le deuxième cas, mon polytraumatisé, il est inconscient. Donc, on va commencer par ce qui est facile. Le polytraumatisé et les tensions. Comment vais-je détecter ce trauma du rachis? Oui, qu'est-ce que je fais? Examiner la sensibilité de la mobilité. Oui. La motricité volontaire, oui. Vous allez demander à votre blessé d'essayer de faire bouger vos membres. S'il vous dit, j'arrive pas à bouger, ils sont lourds, c'est difficile. Là, vous êtes en droit, c'est le TD de rééducation de Pranamadara. D'accord? Ok? Donc, s'il vous dit, j'ai une lourdeur dans mes membres, je bouge mal des membres, vous êtes en droit de penser à une antenne du rachis. Voilà, vous allez le transporter comme ça. Votre ami aussi a parlé de la sensibilité, des troubles de la sensibilité. Il vous dit, j'ai des fourmillements par exemple, des paresthésies. Ok? Vous êtes en droit de penser à un trauma du rachis. Quoi encore? Il est conscient. Ça vous oriente normalement. Une douleur. Il se plaint. Pour les traumatismes. Il se plaint d'une douleur rachidienne. D'accord? Il se plaint d'une douleur rachidienne, il vous dit j'ai mal au niveau de mon dos par exemple, le rachis cervical. Ok? Donc il se plaint déjà d'une douleur rachidienne, vous êtes en droit de penser à un trauma du rachis. Quoi encore? Mais capacité de mobilité à main. On en a parlé, là, madame. On en a parlé. On a commencé à parler d'examen neurologique, on a parlé de la motricité, de la sensibilité, on a oublié quoi ? L'inspection. Non, c'est bon. La fonction respiratoire, c'est qu'on en a parlé. On est dans l'appareil locomoteur. L'examen clinique. Réflexe. Pas de réflexe. Vous êtes en droit de penser à un trauma de rachis. C'est ça. Donc sur le plan neurologique, vous avez la motricité, vous avez la sensibilité, vous avez les réflexes. Très bien. Sur le plan interrogatoire, il va se plaindre directement d'une douleur au niveau du sang rachis. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut palper le rachis lui-même. Si on trouve un hématome, si on trouve une déformation, si on trouve une mobilité anormale des épineuses, on est en droit de penser, on provoque une douleur à la palpation. On est en droit de penser à un trauma du rachis. D'accord ? Il y a aussi le mécanisme lésionnel. Si c'est un choc direct sur le rachis, vous êtes en droit de penser à un trauma du rachis. Même si vous n'avez pas de trouble moteur ou sensitif. D'accord ? Juste le fait d'avoir la douleur au niveau du rachis, c'est bon. Parce que le but, c'est quoi ? C'est éviter toute complication neurologique. Ok ? Donc, si on veut résumer, on se résume. Mécanisme lésionnel, un choc direct sur le rachis. D'accord ? Une ponction de la douleur ? Oui. La douleur, il se plaint de la douleur au niveau du rachis. La palpation du rachis, ça provoque une douleur. On détecte un hématome, on détecte une déformation, on détecte une mobilité anormale. On est en droit de penser à un rachis. Si on fait un examen neurologique rapidement, il y a un trouble de la motricité volontaire, un trouble de la sensibilité, les réflexes, là on est en droit de penser à un rachis. Donc c'est très varié. Et un seul-ci permet de le concentrer comme tel. Vous n'allez pas attendre à voir toute cette panoplie de signes. D'accord ? Un seul signe, même s'il n'a ni trouble de la sensibilité, ni trouble de la motricité, ni la simple gêne, ou bien la simple douleur au niveau du rachis, vous oblige de le transporter. Ok ? Et pour le transporter, bien sûr, comment on transporte un trauma du rachis ? La ceinture. Si vous suspectez un trauma de rachis cervical, c'est simple, il y a une nerve spéciale. Ok ? Donc vous lui mettez une nerve et c'est ok. Voilà. Quelle vous avez le La menace, je vous dis. Non-conscient, oui, inconscient. Comment t'ai-je suspecté chez lui qu'il a un problème de rachis? Moi? Il dédie sur le même accident, c'est la boutique. Les réflexes. Le mécanisme. Il y a des points en commun. Pas de pension. Le mécanisme. Les gens. Très bien. Le mécanisme, le champ direct sur le. Ok? Quoi encore? Pas de pension. Les réflexes. Les réflexes, très bien. Un petit exemple neurologique. Les réflexes. D'accord? Et non, pas de pension aussi. Vous pouvez le palper. Donc, si vous trouvez un signe anormal, vous pouvez le considérer. Là, c'est le premier là où il y a un traumatisme, c'est un début de rééducation. Donc, ça, c'est une routine. Alors, ça, c'est lorsque le blessé il a un traumatisme du rachis. Bien sûr, s'il y a un traumatisme associé des membres, toujours le principe, c'est. Le principe, c'est. Normalement, une équipe d'urgence, elle a des appels spéciaux d'immobilisation des membres, d'accord? Il faut les immobiliser avant de les transporter. Mais si vous n'avez pas d'appel sur le champ, vous devriez créer des appels, d'accord? Par n'importe quoi, tout ce que vous avez sous la main. Même si c'est une planche, des vêtements que vous allez enrouler, n'importe quoi, mais... L'idéal, et il faut principalement donc immobiliser les articulations, pardon, les fractures. Si vous avez une fracture au niveau d'une articulation, il faut systématiquement immobiliser les deux segments. Très bien. Le segment sus et sous-jacent. Si vous suspectez une fracture du segment, les deux articulations. Très bien. Il faut systématiquement immobiliser l'articulation sus et sous-jacente. Si vous faites ça, tout ça, vous allez transporter votre polytraumatisé dans les lieux. Alors, c'est ça la conduite du polytraumatisé sur le lieu de l'accident. C'est ce qu'on appelle le ramassage et qui est très, très, très important. Ok? Maintenant, c'est bon. On l'a transporté, bien sûr, la surveillance. Elle va se continuer durant le transport. On le prend directement vers un centre spécialisé qui peut prendre en charge ce genre de blessés. D'accord? Arrivé sur le service d'urgence, vous êtes le garde, qu'est-ce que vous faites? Le premier geste, vous allez faire. Évoluer le pronostic vital. Toujours le pronostic évoluer dans les constantes hémodynamiques, l'état cardio-respiratoire, etc. Le V d'urgence. Ça, c'est la première des choses. C'est bon, c'est fait. Ensuite. Examen complémentaire. On ne demande jamais un examen complémentaire sans que. Hospitalisé. L'examen clinique. Il va nous dire directement l'examen complémentaire. C'est ça la stratégie qui doit être bien précise et bien méthodique. Si vous demandez directement sur quelle base vous allez demander votre examen paramétrique, sur quelle base? Pardon? Voilà, c'est ça l'examen clinique. Tout examen clinique va commencer par l'interrogatoire. Tout examen clinique, nous allons le voir ensemble, tout examen clinique va commencer par l'interrogatoire. On ne demande jamais un bilan complémentaire sans faire notre examen clinique. Pourquoi on fait l'examen clinique? Bien sûr, c'est pour faire un bilan lésionnel. C'est en fonction du bilan lésionnel que je vais demander les examens paracliniques. Ça, c'est la première chose. Le deuxième objectif des examens cliniques, c'est quoi? Il est important sur le plan médico-légal. On n'est pas encore dans la prise en charge. D'accord? On est dans la prise. Vous devriez d'abord faire un bilan lésionnel. Qu'est-ce que vous avez comme traumatisme? Qu'est-ce que vous avez comme blessure? Vous confirmez ça avec vos examens paracliniques. Et c'est de là que va découler votre prise en charge proprement. D'accord? Mais il y a un deuxième but de l'examen clinique à l'arrivée du polytraumatisé. Sur les plans médico-légaux, vous devriez faire une observation et un examen clinique sur laquelle vous allez mentionner tout ce que vous avez vu lors de la réception de votre traumatisé. Il peut compliquer un peu. Si vous n'avez pas d'observation, vous avez beau dire « je l'ai reçu comme ça, il avait ça sans écrit ». Donc, l'observation, la première observation, elle est obligatoire. Et le premier examen clinique est obligatoire. Vous allez mentionner tout ce que vous avez trouvé. OK ? Et tout examen clinique, comme je l'ai déjà dit, va commencer, bien sûr, par l'interrogatoire. Très bien. Si votre blessé, il est conscient de vous opérer, donc bien sûr, vous allez tout d'abord questionner votre blessé. S'il est inconscient, vous allez interroger les gens qui l'ont transporté. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher à l'interrogatoire ? L'heure, très bien, c'est très important, l'heure de l'accident. Toujours le mécanisme, on l'a déjà dit, pour revoir. Donc, l'heure de l'accident, le mécanisme lésionnel, les circonstances d'accident, est-ce que c'est un accident de la circulation, un accident de la voie publique, une chute, un suicide ? Il faut le préciser. Le signe est accompagné. C'est-à-dire les plaintes du blessé, les points douloureux. D'accord, le signe fonctionnel. Il se plaint d'une douleur au niveau de la cheville droite, au niveau de l'épaule gauche. D'accord, il faut tout ça le mentionner. Ensuite, j'ai quoi encore à l'interrogatoire ? Oui, vous pouvez préciser. Oui. Les antécédents. Très bien. Les antécédents. Il faut les mentionner. Est-ce que c'est un cardiaque ? C'est un asthmatique, un épileptique ? D'accord ? Bon. Donc, dans la mesure du possible, s'il y a des gens, s'il y a des gens qui connaissent ces antécédents, il faut les mentionner. OK ? Voilà. Déjà, à l'interrogatoire, vous avez une idée générale sur l'accident. C'est clair ? Vous passez à quoi ? L'examen clinique, proprement dit, il commence par quoi ? Vous en avez parlé au commandeur. Très bien. Il commence par l'inspection. Et la première des choses, vous devez dévêtir votre malade pour faire une bonne inspection. Parce qu'il faut préciser sur votre observation toute lésion. Toute lésion, même si elle est minime. D'accord ? Donc, si vous avez quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez voir à l'inspection ? Les ecchymoses. Très bien. L'ecchymose, préciser sa taille, son siège, etc. Voilà. Vous pouvez trouver quoi ? Une plaie. Une déformation. Une déformation. La déformation qui témoigne de quoi ? Il peut témoigner de quoi ? Fracture. Toute fracture donne une déformation ? Très bien. Si c'est un segment de membre, il est possible que ce soit une fracture déplacée. Si c'est une déformation au niveau d'une articulation, on est en droit de penser à l'usage. Très bien. D'ailleurs, déjà, c'est ça, c'est une orientation. Donc, s'il y a une ecchymose, je dois la préciser, sa taille, son siège, etc. Silence, s'il vous plaît. Vous arrivez en retard, au moins, vous prenez le... Alors, s'il y a une lésion cutanée aussi, pardon ? C'est bon. Alors, saignement, voilà, un œdème par exemple, saignement normalement, on l'a jugulé, on ne peut pas laisser comme ça un saignement. D'accord ? S'il y a un œdème, aussi je le mentionne, son siège aussi. S'il y a par exemple la coloration d'un membre, aussi, cyanosée, pâleur, etc. aussi. D'accord ? Tous ces signes-là doivent être mentionnés sur votre première observation. Voilà. J'ai fait mon inspection. Qu'est-ce que je fais ? Je passe à quoi ? La palpation, très bien. Je recherche quoi, la palpation ? Très bien. D'autres points douloureux, pourquoi ? Parce que mon blessé, il va se concentrer sur la région qui me fait le plus de mal. Donc, par ma palpation, un peu partout, au niveau des membres, au niveau du rachis, j'essaye de trouver d'autres points douloureux. Et pour cela, pour que je puisse demander, donc, un bilan radiologique Non, non, mademoiselle, on va terminer. D'accord? Alors, d'autres points douloureux, que ce soit au niveau du rachis, c'est-à-dire au niveau des membres, et il faut les mentionner. D'accord? Qu'est-ce qu'on recherche aussi à la palpation? Le dermalé humain, on peut le détecter. La déformation à l'inspection, on peut la détecter. À la palpation. Un élément qui est important. Réfléchissez. Les feuilles de présence, s'il vous plaît. Où est-ce qu'ils sont? Madame. Alors, la palpation en premier, non? Non. Vous êtes dans l'appareil locomoteur. Les tendons. Pas encore. On n'est pas arrivé aux articulations. Les odeurs. Non. Non. Les poux. Les poux, il faut rechercher les poux. C'est très important. La recherche d'une lésion vasculaire. D'accord? La présence des poux, il faut la mentionner. D'accord? Et aussi, une éventuelle froideur, d'accord? Des extrémités. Chaleur ou froideur des extrémités. Aussi à la palpation. Ce sont les silence, s'il vous plaît. Ce sont les éléments principaux de la palpation. Alors, une fois terminé, donc j'ai fait mon interrogatoire, j'ai fait mon inspection, j'ai une idée à peu près des traumatismes qui existent, j'ai fait ma palpation pour aider mon inspection. Je passe à quoi mon examen de l'appareil locomoteur? Les examens complémentaires. Pas encore. Vous aimez les examens complémentaires? Tous, vous avez signé? Avant de passer aux examens complémentaires, on n'a pas encore terminé. Qu'appelle-t-on examen des articulations? Examiner la mobilité. Qu'appelle-t-on examiner la mobilité? C'est juste. Mais elle a un nom. Qu'appelle-t-on chercher la raideur? C'est juste. Mais qu'appelle-t-on examiner? C'est le bilan articulaire. On l'appelle bilan articulaire, comme le bilan musculaire dans la neuro. D'accord? Le fait de rechercher la liberté articulaire, ça veut dire bilan articulaire. C'est ça. Donc il faut examiner articulation, mobiliser articulation par articulation dans toute l'amplitude et dans tous les mouvements possibles pour voir est-ce qu'il n'y a pas une limitation de la mobilisation. Ok? Bien sûr, chez le polytraumatisé, vous n'allez pas vous amuser donc à faire tout. Mais dès que vous avez une petite douleur, vous arrêtez. D'accord? C'est juste pour voir est-ce que les articulations sont libres ou pas. Alors, dans l'examen de l'appareil de commenteur, pour faire un bon bilan articulaire, qu'est-ce qu'il faut connaître? Oui, très bien. Mais avant les amplitudes, il faut connaître quoi? Les mouvements. D'accord? Non, pas les fonctions, mais les mouvements. Chaque articulation, quelles sont les possibilités? Le mouvement dans chaque articulation. Et les amplitudes, bien sûr, articulaires dans chaque mouvement. D'accord? Est-ce que vous avez une idée sur les mouvements des articulations? On les revoit ensemble? Alors, on commence par l'épaule. Quels sont les mouvements de l'épaule? Rotation. Tous les mouvements. Citez-moi tous ces mouvements-là. Abduction. Alors, c'est quoi ça? Abduction. C'est quoi ça? Abduction. C'est quoi ça? Extension. Extension. Montée. Oui, c'est ça. Antépulsion. Très bien. On ne dit pas, au niveau de l'épaule, on ne parle pas de flexion. D'accord, c'est de l'antépulsion. Ça. Rétropulsion. Très bien. Et ça. Rotation. C'est zéro. C'est quoi ce mouvement-là? Circonduction. C'est le mouvement de circonduction et l'association de tous ces mouvements-là. Alors, ce mouvement-là. Ce mouvement-là. Ou bien, comme ça. C'est la rotation externe. Ce mouvement. Rotation interne. Donc, vous avez six mouvements en plus de la circonduction. Donc, qui rassemble et qui associe tous les mouvements possibles. OK? Et bien sûr, vous deviez connaître l'amplitude de chaque mouvement pour pouvoir faire la part des choses entre ce qui est un mouvement normal et un mouvement qui est pathologique ou limite. OK? Maintenant, allons au coude. C'est tout. Très bien. C'est la radio ulnaire supérieure et la radio ulnaire inférieure qui font la pronosupination. D'accord? La pronosupination, on la fait pas comme ça. C'est faux. Pourquoi? Ça, c'est la relation statuse. Très bien. Parce qu'il y a, elle est faussée par la participation de l'épaule. On doit éliminer l'action de l'épaule. Voici la position intermédiaire. On fait pas ça. Ensuite, on fait, c'est quoi ce mouvement? Supination et pronation à partir de la position intermédiaire. Et ce sont les deux articulations radio-ulnaire supérieure et radio-ulnaire inférieure qui font le mouvement de pronosupination. Puisqu'au niveau du poignet, on a deux articulations. On a la radio-ulnaire et la radio-carpienne. C'est la radio-carpienne qui fait les mouvements du poignet. Mais la radio-ulnaire supérieure et inférieure qui font la pronosupination. OK? Passons au poignet. Alors. L'extension. L'appel dans ces mouvements. On peut dire adduction, abduction, mais il vaut mieux dire inclinaison lunaire, inclinaison radiale. D'accord? Et au niveau du poignet aussi, on peut faire le mouvement de circonduction. D'accord? Qui peut associer tous les mouvements. OK. Il y a au niveau de la main aussi des petites articulations qui sont les métacarpophalangiens, les interphalangiens, proximal et les interphalangiens distales et qui font deux types de mouvements, l'extension et la flexion. OK? Au niveau de la hanche. Alors, abduction. Rotation externe. Rotation interne. Flexion. C'est la flexion, extension. Et c'est l'extension, et c'est le mouvement de circonduction. Très bien. Au niveau du genou, flexion, extension. OK. Au niveau du pied, la cheville, très bien. Dorsiflexion, lorsque le pied est dirigé en haut, d'accord. Et très bien. Flexion plantaire lorsqu'il est dirigé en bas. Ou encore. On a quoi encore? Rotation interne. On ne parle pas de rotation interne. Inclinaison. Non, on ne parle pas d'inclinaison. On parle d'adduction et d'abduction aussi. De supination et de pronation. OK. Mais l'association de ces mouvements-là dans les mouvements d'inversion et d'inversion. OK? C'est un peu compliqué, d'accord? Le mouvement d'inversion et un mouvement d'inversion. C'est l'association. Donc, le mouvement d'inversion, c'est quoi? c'est la pronation, l'abduction. D'accord? Et le mouvement d'inversion, c'est la supination et l'adduction. Associé à une flexion dorsale. Ok? Donc c'est l'association de ces mouvements-là qui va nous donner le mouvement d'inversion et d'éversion. Ok? Ce sont ces mouvements-là. C'est ça le bilan articulaire. On doit connaître tous ces mouvements-là. Donc articulation, on doit mobiliser articulation par articulation. Donc tous les mouvements possibles et bien sûr en connaissant chaque amplitude normale. C'est ça le bilan articulaire dans l'examen de l'appareil locomoteur. Chez le polychromatisé, on ne va pas s'amuser bien sûr à faire ce bilan dans tous les sens bien sûr pour que la douleur nous limite notre examen. J'ai fait, donc on a terminé notre bilan articulaire, on passe toujours dans l'examen clinique pour terminer. Ça va être un On est toujours dans l'examen clinique. On doit terminer par quoi votre examen clinique? Auscultation. Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les réflexes. Et on est dans le cadre de quoi? L'examen neurologique. Et on doit terminer par un examen neurologique. Bien sûr, qui va voir la motricité volontaire, la sensibilité. Et bien sûr, les réflexes. D'accord? C'est au bout de cet examen-là que vous allez présenter les examens. Eh bien, vous êtes arrivé aux examens complémentaires. Pas encore. Vous avez quelque chose à voir de faire votre examen complémentaire. Quoi? Quelques gestes. Descendre. De la réanimation, l'échange. Très bien, il faut mettre un abord, il faut lui donner un antalgique fort sur son système. Voilà, il faut faire un bilan d'urgence, l'hématocrite, le groupage. S'il a une lésion cutanée, bien sûr, il faut la stériliser. D'accord? Il ne faut pas adresser comme ça votre polytraumatisé à faire, surtout chez nous. Faire un examen paraclinique, c'est loin. Si vous l'adressez faire, par exemple, son scanner ou bien son échographie ou bien sans mettre un abord, il peut tomber en état de choc. Ici, il n'a pas. D'abord, c'est votre problème. D'accord? Donc, avant de l'adresser, déjà, vous avez, suivant l'examen clinique, vous avez votre bilan lésionnel. En fonction de votre bilan lésionnel, vous allez demander un examen paraclinique, des examens paraclinique, mais avant de l'adresser faire son examen paraclinique, il faut s'assurer qu'il y ait un abord, qu'on a déjà pris notre bilan d'urgence, d'accord, en cas d'urgence, donc on est prêt, on se rappelait, et on lui a donné des antalgiques pour lutter contre la douleur, etc. Ensuite, donc on va confirmer tout ce qu'on a trouvé dans notre examen clinique par des examens complémentaires. Alors, quelles sont les fractures qui sont graves? Du rachis. Pas qui mettent en jeu le pronostic vital. Du rachis, du bassin. Le bassin, très bien, que dans les hémorragies, un état de choc hémorragique. Des côtes. Toujours dans l'appareil, le commandeur. Costa, c'est juste. Le crâne, bien sûr, les côtes, c'est juste. Mais toujours dans l'appareil, le commandeur. Les côtes. Le bassin, en général. Non. Pas exactement la hanche. Pas exactement. La diaphyse fémorale, elle peut donner une perte de sang très hémorragique. D'accord? Elle peut même mettre en jeu le pronostic vital. Elle peut perdre des litres de sang. D'accord? Et c'est un os qui est profond, vous allez voir que sa cuisse, elle va augmenter de volume. D'accord? Donc il faut faire vraiment. Oui, il faut faire vraiment. Attention, donc les fractures qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital, c'est surtout les fractures du rachis, surtout cervical. Il y a aussi le bassin, les fractures du bassin, vous allez devoir faire attention, et les fractures du fémur, par choc hypovolémique. Alors, quelles sont les complications des fractures? Quelles sont les complications qui peuvent apparaître suite à ces fractures-là? Les lésions nerveuses. Oui, les lésions vasculaires, les lésions nerveuses. Très bien. Il va donner lieu à une fracture ouverte. Qui est l'urgence aussi? La fracture ouverte, c'est une urgence? Les infections. Pourquoi c'est une urgence, une fracture ouverte? Le risque infectieux. Très bien. Elle peut donner donc une infection osseuse qui est difficilement traitée, comme elle peut donner une. Les embolies gazeuses aussi, et qui peuvent me plonger aussi le pronostic vital. D'accord? C'est pour la raison pour laquelle il faut les prendre en charge le plus tôt possible. Donc, si on se résume, donc, les fractures peuvent donner des lésions cutanées, des lésions musculo-tendineuses, des lésions vasculaires, des lésions neurologiques. Ils peuvent donner aussi des complications générales, comme l'embolie gazeuse par exemple, ou des hémorragies, la choc par hémorragie, ou bien l'embolie graisseuse aussi. Elle est très fréquente, surtout dans la fracture de la diaphyse fémorale. C'est ça les complications générales. Madame, oui. Dans les fractures des côtes, elles sont pas graves? Si, c'est grave, j'ai dit les fractures du crâne, des côtes, mais on est là dans l'appareil locomoteur. D'accord? Spécialement dans l'appareil locomoteur. Bien sûr, les autres fractures qui sont graves, les fractures du crâne aussi sont graves, les fractures des côtes aussi sont graves. D'accord? Ici, on se limite dans l'appareil locomoteur. Ok? Alors, c'est clair. Donc, au bout de ces examens-là, on va le prendre en charge, notre polycomptisite, soit faire un traitement orthopédique par plaque, ou bien donc un traitement chirurgical. Vous avez fait le cours sur les plaques. Okay? On va essayer sur le plan pratique de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, est-ce que... Avant de commencer, quels sont les éléments qui sont... Oui. S'il vous plaît, pour les examens complémentaires, si notre patient est inconscient, on lui fait un PDM directement. Non, vous devriez faire votre examen clinique. Votre examen clinique. C'est en fonction de votre examen clinique, en fonction de l'inspection. D'accord? Vous allez inspecter, vous allez... Premièrement, le mécanisme lésionnel, le traumatisme osseo-squelettique, l'inspection, les réflexes en fonction de votre examen clinique que vous avez demandé. Jamais faire un bilan directement, bilan paraclinique sans faire votre examen clinique. C'est un peu difficile. Bien sûr, on ne passe pas directement vers le scanner. On doit faire des radiographies. Ok? Alors, quels sont les éléments qui sont nécessaires pour faire un plan? Dis-moi. Je le laisse au service une heure jusqu'à deux heures de temps. Ok? il ne faut pas le libérer directement. D'accord ? Et ils font ensuite, après une heure de temps, contrôler la coloration des extrémités. Si c'est un plan supérieur, il faut voir les doigts. Si c'est un plan inférieur, voir les orteils. S'ils sont bien colorés, s'il n'y a pas un œdème important, là je suis au droit de le libérer, mais avec des conditions que nous allons voir ensemble. D'accord ? Ne jamais libérer le patient sans lui garder quelques heures en surveillance. Ok ? Alors, après une heure, deux heures de temps, je l'ai vu, il a des extrémités libres, il n'y a pas de cœur, pas de cyanose, c'est bon, va rentrer chez lui. Qu'est-ce que je lui demande ? Très bien, de revenir quand ? Très bien. Il faut qu'il revienne, même s'il n'a pas de gêne, il faut le recontrôler dans 48 heures. Quoi encore ? L'immobilisation ou la mobilisation. L'immobilisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il sollicite, il faut pas qu'il sollicite le plâtre. Si vous lui mettez par exemple une botte plâtrée, il ne va pas marcher dessus directement, parce qu'il va l'abîmer. D'accord ? Il faut laisser le plâtre sécher. Ça va prendre au moins 24 heures, oui. Donc, c'est le demande et demande. On peut le faire bien. Non. Faut, généralement, vous mettez une attelle. D'accord. Une plate qui est ouverte. D'accord. Demi-plate. OK. Alors, vous lui demandez de ne pas le solliciter. Pourquoi ? Parce que vous risquez de il risque de l'abîmer. Ça va prendre au moins 24 heures pour qu'il sèche. D'accord ? Vous lui demandez aussi de ne pas le vernir. Pourquoi ? Oui, il y a des gens qui vernissent le plâtre pour ne laisser respirer l'eau s'évaporer pour qu'il n'y ait pas une macération. D'accord ? Donc, ne pas le solliciter, ne pas le vernir, revenez dans 48 heures pour surveillance. Quoi encore ? Revenez s'il y a la moindre gêne, si vous sentez la moindre gêne, même avant les 48 heures. Encore. Le mettre en déclive pour drainer le dain. Ou encore. Bien sûr, si c'est un douleur qui le gêne, il doit revenir. D'accord ? Normalement, le plat. Le plat, voilà, normalement, le plat ne doit pas provoquer de douleur. D'accord ? Alors, il doit faire des contractions, ça, c'est l'apanage de la rééducation. Il doit faire des contractions, de préférence, il doit faire des contractions, ce qu'on appelle des contractions isométriques, c'est-à-dire sans mobilisation, puisqu'il est immobilisé. Mais il peut contracter ses muscles à l'intérieur du plâtre, pourquoi ? La circulation. Pour lutter contre la mobilisation. La fonte, oui, pour éviter la fonte musculaire, la myotrophie, d'accord ? Vous savez bien que les muscles qui sont immobilisés, qui ne travaillent pas, ils ont tendance à affaiblir, ils ont tendance à détruire. Donc, ils doivent faire des contractions sous plâtre pour éviter la myotrophie, la fonte musculaire. D'accord ? Ça, c'est grosso modo, c'est des conseils que vous devriez donner au blessé, donc avant de le libérer. Ok, quelles sont les complications qui peuvent survenir sous plat ? C'est l'extrême. Sinon. Macération. C'est ça. Eh oui, lésion cutanée, scar. Tout type de compression aussi. Cutanée, musculaire, vasculaire, les infections, etc. Infection, très bien. Embouphlébite aussi. Tous ces éléments-là, je pense que vous les avez vus déjà. C'est juste une révision. OK ? Voilà, c'est ça, grossièrement, la stratégie de prise en charge du polytraumatisme. Donc, on a vu comment va-t-on prendre en charge, comment va-t-on examiner ce polytraumatisé pour arriver à un bon pronostic lésionnel et donc à une bonne prise en charge et préserver le pronostic vital du polytraumatisé. Puisque la majorité des décès dans les polytraumatisés ne sont pas dus à la gravité elle-même du traumatisme. mais à une mauvaise prise en charge. D'accord? Par exemple, faire un bilan paraclinique dès l'arrivée au service. D'accord? Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Les feuilles de présence, s'il vous plaît.